La Cramps, Molzico, Nizi. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. Y'a que dans le mal qu'on se passe le relais. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. Tu parles de Nesby, de cash, de Breitling. Tu veux faire le mec libre, mais au compte à tes chaînes. Les petits ils les tirent comme pour se divertir. Ça devient dur des dînes, merde on court à l'échec. Marre des mauvaises nouvelles, j'lis même plus les faits divers. Prends exemple sur tes rampes, pas sur des fausses icônes. J'te dis vrai tout ça mes frères. Non j'veux pas que tes petits frères deviennent des toxicos. Lève-toi bas toi, il faut que tu bosses chico. La jalousie est partout quand tu tombes au crâne. À deux doigts du ravin, tout ça n'est raf. Fais pas que de merde pour un car, on peut tout éraver. Non, ils connaissent même pas les règles, mais veulent gravir les étapes. Tous les boucs d'en bas des tours, courent après les PZK. Ce qu'ils veulent fraîche état, ça va leur parler d'entraide. Ils diront qu'ils baissent l'état, mais on sait bien c'est le contraire. Toujours les mêmes pour chasser par les poulets. L'alcool, les femmes, prendre la C vous fera couler. Combien dans l'illicite pour veut que Dieu pardonne. Mais les gens se félicitent que quand ça t'y pardonne. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. Y'a que dans le mal qu'on se passe le relais. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. On a mort de père en fils, valeur solide en guise d'héritage. Fainéantise, ma pire hantise, l'argent facile, on n'en guérit pas. Attends que tes poches trouées se remplissent pour un Loki, c'est la guérilla. On a tombé ce puissance 10, tous corrompus, t'as la série A. Le cash sonne avec inéquitable, trahison et amitié qui casse. Tout pas une série B, tu manges des séries de baffes. Le bonheur est ripé, noyé dans jerrycan. Cuir de harpie véritable, j'attends les chayatines qui ricanent. Sont tous à Londres quand ce pays crame. Technique François pour la dédicace. Tous ces idées sales à la Bernesse, prêt à retourner ta belle veste. On parle rap, tu nous parles d'espèces. On a bloqué sur la case, wesh wesh. Des bons gars dans des basses d'ess. Lève ton cul, fuck t'es pas une merguez. Claque le bécherel sur ta caisse claire. On a rien misé sur ta chmexer. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. Y'a que dans le mal qu'on se passe le relais. En bas du bloc, le respect est cagoulé. Sur le droit chemin, personne voudra doubler. Les péchés dans l'âme, on va pas se leurrer. Y'a que dans le mal qu'on se passe le relais.